Bon, deuxième phase. Nous allons parler de les fosses versus l'initiation et conséquemment de comprendre qu'est-ce qui fait de vous autres d'éventuels initiés. Quand on parle de quelqu'un, on dit que c'est un initié. Ça a une connotation spirituelle dans certains milieux, mais ça a une connotation comme les initiés de la finance, les initiés d'un sport ou de quoi que ce soit. Dès qu'on donne une note d'initié à quelqu'un, c'est qu'il a été initié à toutes les facettes du sport, de la finance ou de quoi que ce soit. Et tu sais, ils vont même parler de délit d'initié, tu sais, dans le stock market. Fait qu'il y a des formes d'initiation qui s'appliquent à beaucoup de terrains. Dès que tu es en mode apprentissage, on pourrait dire qu'un juge, c'est un initié de la loi, qu'un avocat, c'est un adepte. C'est des termes que, quand on relie ça à quelque chose de spirituel, ben, c'est comme si le mot initié, c'est comme l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Alors qu'on pourrait dire que les initiés de la finance, c'est des gens qui sont entre le client et les autorités globales de la politique ou de la finance, peu importe. En tout cas, tout ça pour expliquer en gros que le mot initié, il est un petit peu trop galvaudé dans le monde spirituel. Et puis que pour moi, quelqu'un qui est initié, c'est un gars qui a passé par une initiation, tout simplement. Et que considérant cet aspect-là, se nommer initié ou dire de quelqu'un qui est initié, c'est simplement un statut dans sa progression vis-à-vis le sujet ou le domaine dans lequel il est. On va dire d'un maître qui est pas encore un initié parce qu'on va dire qu'il a une attitude vis-à-vis, entre guillemets, sa clientèle qui est condescendante. Fait que pour moi, un initié, c'est au-dessus du maître parce qu'il s'est libéré de l'aspect condescendant du maître. Un maître étant celui qui veut. Tu sais, comme toi, exemple, dans le yoga, je considère que tu es une maître, un maître. Tu as une condescendance vis-à-vis de ton client, oui, effectivement. Et quand à un moment donné, tu seras simplement comme tu fais du yoga parce que pour toi c'est ça, c'est juste pour toi, puis qu'il y a des gens qui veulent en faire avec toi, on pourrait dire que tu es un initié du yoga. Comme les gens qui viennent de d'autres pays, qui font du yoga, puis qui sont maîtres, ben, ils viennent pour enseigner. Tandis que l'initié, lui, il est de passage à une place, puis on lui demande des trucs, puis des ci, puis des ça. Je ne sais pas si vous faites la différence, hein. Mais peu importe le secteur dans lequel vous êtes, que soyez maître ou initié, ça suppose une initiation. C'est-à-dire qu'il faut que tu souffres avant quelqu'un, quelque chose. Fait que toi, tu as eu un mal dans le dos, puis ton mal de dos a été ton initiation pour te faire du yoga. Donc, pour soulager ton mal. Donc, on pourrait dire que les gens qui sont initiés dans un domaine, ils sont, tu sais, comme le gars qui sera en finance, il n'a pas juste étudié, il a eu des pertes, il a vécu des affaires difficiles, puis. À un moment donné, ben, il est devenu aguerri, il devient comme une espèce de philosophe. Ça apparaît, en tout cas pour l'extérieur, comme une philosophie. Et puis là, on peut considérer qu'il a atteint le stage d'initié. Comme le gars, je veux faire venir sur mes groupes, le consultant, c'est un gars, il s'appelle Léo Damo. Ce gars-là, moi, je le considère être un initié du tir. Il a 85 ans. Puis quand tu parles avec, j'ai parlé une fois avec, puis quand tu te parles, il ne te parle jamais de tir. Il te parle de qu'est-ce qu'il apprend dans le tir, puis qu'est-ce qu'il a vécu dans le tir, puis qu'il a eu un cancer à un moment donné, puis ça l'a arrêté de tirer, puis il souffrait beaucoup parce que c'était dur d'avoir le cancer, puis de ne pas être capable de tirer. Il vivait de l'impuissance, puis il dit, moi, dans ma maladie, j'ai compris que c'était bien important pour moi de tirer. Bien là, lui, est devenu, pour moi, à cause de tout, il n'a pas juste resté dans l'aspect technique, c'est devenu comme un maître d'armes. Un maître japonais du katana, puis de peu belle de main, mais lui, évidemment, c'est les carabines. Et puis, c'est le genre de gars qui change de canon 4 fois dans des compétitions de tir en un été. Quand tu te fais faire 4 canons pour passer ton été, c'est parce qu'il y a des affaires que toi, tu fais, que c'est pas Jeannette qui va se défouler au centre de tir. C'est d'autres choses, là. Puis, il voyage, il va au Nouveau-Brunswick, il va en Ontario. Il va partout où il peut aller à 85 ans avec sa petite vanne. Et puis, on a rencontré le champion canadien, puis il disait qu'il l'aidait aujourd'hui à monter ses buts à Valcartier parce que son stock, il en avait trop. Puis il était plus capable. Il était capable de se coucher à terre puis tirer, mais il n'était pas capable de monter son stock jusque-là. Ça me faisait rire. Tu sais, c'est comme un vieux sage, là, tu sais, qui a tout vu, qui a vraiment tout vu. Il a été dans l'armée, il a été partout. Et puis l'armée l'engageait pour aller, justement, il était champion de tir, il avait ça naturel. Il l'envoyait dans d'autres pays, dans le Commonwealth, pour aller faire des compétitions de tir avec d'autres soldats dans le Commonwealth. Donc il a vraiment, tu sais, il a goûté à tous les aspects du tir, dans la compétition. Et puis c'est devenu un initié. Fait que si vous comprenez le mot initiation à travers le fait d'une préparation pour arriver à, on pourrait même dire qu'une personne qui gagne une médaille olympique, il y a Well, Phelps, comment il s'appelait le nageur là, qui gagnait tout le temps? Là. Phelps? Bon, en tout cas, moi je figure que quand un gars gagne des médailles d'or, 3, 4, 5 ans de temps, tu es un initié dans le domaine qu'il est. C'est des gens qui ont été prouvés. L'épreuve, le test, ce que moi j'appelle toujours des tests, des forces dans un domaine donné. Évidemment, quand vous devenez un initié, vous êtes supérieur à la moyenne et vous êtes un peu isolé par le fait que c'est rare des initiés. Un initié aime beaucoup rencontrer un autre initié parce qu'il n'y a plus de compétition. Il ne vit plus de la compétition. Ils travaillent ensemble. Tandis qu'un maître ne veut pas rencontrer un autre maître parce qu'il veut garder sa gang. Je me souviens de Claude Roy, quand je l'avais rencontré au restaurant avec une partie de sa gang, c'était va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Parce qu'il ne voulait pas avoir quelqu'un qui parlait autant que lui, mieux que lui, ou quoi que ce soit. Il a encore, dans le maître, il y a encore une possession. Tu sais, tu veux posséder un groupe, tu veux être le maître à penser, tu veux être le super-héros de. Tandis que l'initié, lui, c'est pas ça. Lui, il veut partager ou échanger une science, une capacité, un développement. Ça, c'est un maître. Ça, c'est un maître parce qu'il y a encore une sorte de recherche de contrôle, de recherche de pouvoir. L'initié, lui, il est tellement initié qu'il est rendu à un stage que les autres, s'ils peuvent en bénéficier, ça va, mais s'il se fait chier par l'environnement, bien, il débarrasse. C'est ça que son cas. Quand tu es rendu là dans le yoga, là, tu t'écoutes bien. Je te donne un cours, là. Ben, c'était bon. Si tu viens pour me challenger, là. Je te dis de respirer puis t'expires, là. Change de place. Ça devient ça quand tu es dans un stage d'initié, là, tu ne veux plus te faire chier. Fait que l'évolution d'une personne vers l'initiation, ça suppose de passer par toutes sortes de tests psychologiques et de compétences. Fait que t'as pas juste la. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons, ils maîtrisent bien leur art, mais ils n'ont pas atteint une sorte de sagesse dans leur art. Ils n'ont pas accédé à une intégration du pourquoi ils font ça. Tu sais, quand tu es un initié dans la finance, c'est pas fourrer le monde, ça devient aider le monde à comprendre ce qu'ils font, qui est la game. Tandis que maîtriser son art, c'est exemple dans la bourse, ça c'est de faire beaucoup d'argent. Tandis qu'être un initié dans les stock markets, ça serait d'amener à ton environnement une science, une compréhension, une façon de vivre la finance. Vous savez? Bon, on voit que dans l'initiation, il y a la partie où tu maîtrises quelque chose, et puis il y a la partie où tu peux être comme une référence, où, tu sais, quand tu regardes le gars, là, puis c'est comme, tu peux pas lui poser une question qu'il a jamais entendue, là, tu sais. Il a passé par tout, là, tu sais. Bon, ben ça, c'est ça, le stage final de l'initiation. Bon, on vient à la fin de l'initiation. Pourquoi on est initié? Le pourquoi on est initié, je vous ai initié dans le sens d'être mis en initiation, la raison principale, c'est que tout être humain cherche à atteindre un summum, une suprématie. Et pendant longtemps, sa suprématie repose sur être meilleur qu'eux. Donc, si je suis meilleur qu'eux, je suis supérieur. Mais tu n'es pas supérieur dans l'absolu du domaine dans lequel tu es. Tu es supérieur à un groupe de personnes. Fait que le gars va dire, ben moi je cherche la médaille d'or, oui, tu vas être meilleur que du monde, mais est-ce que tu es meilleur que toi-même? Parce que si tu n'as pas livré le maximum de toi-même en battant tout le monde, tu n'as pas gagné encore. Il te reste encore un bout à faire pour toi-même. Bon, ben, le dernier bout à faire pour soi-même, c'est après l'initiation collective. C'est comme s'il y avait deux initiations. Il y a l'initiation par rapport au monde, puis il y a une initiation par rapport à soi-même. Plus tu te rapproches de toi-même, plus il faut que tu te dépasses par rapport à ce que tu es et non pas par rapport aux autres. Parce que c'est relatif, la notion de supériorité. Supérieur, c'est toute personne qui est capable de parler mieux que l'autre puis qui met l'autre en situation de béatitude. Tu parles à quelqu'un puis il a une bouche ouverte. Donne-moi, t'es comme maman oisillon ou papa oisillon, à son oisillon qui amène la chose, puis là, il gave son environnement. Ça, c'est une zone, évidemment, qui établit une supériorité. Puis arrive une zone où celui qui fait ça est tanné de le faire parce qu'il dit, Christ m'a nourri mon environnement toute la vie. Et ça revient au fameux proverbe, c'est mieux d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. OK? Bien, il y a une période quand même dans l'initiation où tu veux donner du poisson parce que tu as besoin de te mesurer. Tu as besoin de savoir que tu es important. Les gens qui souvent qui cherchent à avoir de la valeur, cherchent à avoir de la valeur par rapport aux autres en les gavant. Ils les gavent de sensations, d'impressions, ils les font vivre. Tout ce qui est pris en charge repose sur la notion de gaver son environnement. Ça, c'est pour avoir de la valeur. Ils ont de la valeur, tu entends ça dans les chansons. Je ne peux pas vivre sans toi. Bon, mais quand tu ne peux pas vivre sans quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas capable de vivre. Point final. Tu n'es pas capable de te motiver par ta propre raison d'être. Ces situations-là sont excessivement souffrantes parce qu'ils vont s'insérer dans une recherche karmique de réalisation de quelque chose qui n'a pas été complété ou comblé dans une autre vie. Ça atteint la femme, ça atteint l'homme à différentes façons, c'est sûr. Parce que tout le monde n'a pas la même façon d'établir qu'est-ce qui sont les ressources. La femme, elle va dire, si je suis de service pour un homme, j'ai toute ma raison de vivre. Ça, c'est la partie de l'homme. Puis quand elle passe au stage de l'esprit, elle va dire, si je suis de service, faut il faut qu'il paye. En voulant dire qu'il faut qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas d'échange, ben, je ne suis pas au service d'eux. Donc, elle reconquiert son identité. Et elle laisse sa personnalité dans le placard parce que bon, elle sait qu'il faut qu'en société, de temps en temps, elle s'habille d'une personnalité. Mais son identité devient à ce moment-là plus réaliste à travers le fait de conscience par elle-même, pour elle-même, de sa réalité. Quand tu es rendu à ce stage-là, il n'y a personne sur la planète qui te fait chier, même pas une police. Considérant cet aspect-là comme étant difficile à atteindre, donc c'est très difficile d'arriver à son identité. Parce que les gens veulent que tu restes dans la personnalité, parce que dans la personnalité, tu es manipulable. Tandis que si tu es dans l'identité, tu n'es pas manipulable. Donc, plus de gens veulent être des maîtres qu'être des initiés. Et être un maître, ça suppose que tu as une cour. Tu as des gens qui sont attachés à ta personne, que tu nourris, et que peu importe la fonction que tu as dans la société, qui deviennent des habitués. Ça te sécurise et tu ne vas pas plus loin. Parce que pour aller plus loin, il faut que tu aies des gros chocs qui t'amènent au fait que ce que tu sais pour les autres, ça n'a plus de valeur pour toi. Oh, là, c'est une autre affaire. Moi, au stage où j'en suis rendu avec la communication avec les forces, je ne peux plus m'attendre à ce que vous autres, dans cette vie-ci, vous puissiez l'avoir. Donc, je suis plus confronté à vous autres. Tant que je suis confronté à vous autres, puis que j'apprends avec vous autres, là, je peux dire que j'étais un maître, un petit gourou. Mais le jour où je suis plus capable de voir que vous pouvez me suivre, là, je suis obligé de passer à une zone de compréhension de ma vie à moi et qui ne se partage pas. Et là, je deviens initié. Donc, devenir initié, c'est une forme de solitude, pas qu'on s'impose, mais qui va de soi parce que tu deviens comme inaccessible. Alors, quand tu rencontres un initié, c'est un vent d'être, un vent, là, tu sais, ça donne de l'air, ça met de l'air dans les poumons, parce que là, vous pouvez partager une science qui est commune. Mais qui ne vise pas à se rivaliser, mais qui fait juste éliminer une solitude. T'sais, moi, je rencontre Claude, pour dire que dans un sens, il a vécu une vie qui se rapproche de l'initié, mais il y a un naturel solitaire au niveau de l'âme qui pourrait faire confondre. Est-ce qu'il cherche à se dépasser? Ça, c'est juste lui qui peut répondre à ça. Mais s'il ne cherche pas à se dépasser, il y a une faculté de maître qui sert de temps en temps. Mais il n'y a pas une volonté d'initier, de continuer de se développer. Comment, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est donc dit que l'initié ou l'initiation, la vie de l'initiation, c'est une vie de dépassement. Tout le monde a ça dans le corps. Tout le monde veut se dépasser. Tout le monde passe par la comparaison, ça va de soi, mais si la comparaison va jusque dans des registres de compétition très, très, très avancés, tu vois qu'à un moment donné, la personne, c'est plus être meilleur que telle personne, ça devient être meilleur tout court, puis l'autre personne devient un point d'appui. Fait que l'initiation, elle a toujours un point d'appui qui est basé sur une amélioration personnelle. Il y a le temps où tu choisis tes tests, parce que tu te dis, bon, mais il faut passer par telle étape. Donc, l'initiation peut être stratégique par un espace de temps où l'ego a l'impression de contrôler quelque chose. Puis, à un moment donné, tu es pris par le dépassement d'une façon totalement irrationnelle. Tu te dis, ouais, même si je fais ça sera plus payant, ça sera plus avantageux. Je suis déjà meilleur que lui, donc je peux pas vouloir encore plus le battre que ça. Fait que là, ça devient comme personnel. C'est comme c'est toi pour toi seulement. C'est pas toi envers ou contre ou par rapport à quelqu'un d'autre. Je veux séparer les deux parce qu'il y a un plan où être maître, c'est strictement un jeu d'ego. Et l'autre, c'est strictement un mouvement de l'esprit qui t'amène au maximum de tes ressources. L'esprit, quand elle t'amène au maximum de tes ressources, elle favorise tout ce que tu es capable. Mais elle ne peut pas t'inventer, elle ne peut pas te faire pousser un sixième doigt, elle ne peut pas te créer des anomalies physiques pour que tu puisses faire quelque chose. Ça, c'est le maître qui va chercher des choses. Il y a des lanceurs qui se font couper un muscle là, dans le coin du coude pour pouvoir tirer plus vite. Ça tire plus fort, ça rentre plein temps. Ils peuvent gagner 25 à 50 km/h de plus en vitesse de balle en se faisant faire une opération de le coude. Ça, c'est des maîtres. Un initié, lui, vaut au maximum de ce qu'il est et non pas de ce qu'on va lui donner comme à la Robocop, là, tu sais, un substitut quelconque. Un initié ne se stéroïdera pas. Un maître, oui. Parce que le maître, il veut battre quelqu'un. Il veut dépasser le réaliste de la vie. Il veut être quelque chose. Si tout ce que les drogues peuvent faire pour. Lance Armstrong, c'est un maître du cycliste. Mais je n'ai pas d'autre pour vous dire, lui, c'est un initié, là. Mais quelqu'un qui va rester clean puis qui va aller au maximum de ses capacités, même s'il est moins bon en performance que Lance Armstrong, qui mettait des stéroïdes dans sa soupe, il va être plus avancé au niveau de sa sagesse. Vous voyez jusqu'où la différence. Dès que tu veux te battre avec quelqu'un, tu ne peux pas être un initié. Tu peux être un maître, max. Mais il te reste encore une marche à grimper. Puis la marche à grimper, ce n'est pas la recherche d'une performance, c'est la maximisation de ta réalité, de ta vie, qui est peut-être une performance pour d'autres, mais qui pour toi est l'expression de la totalité de ton être. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Tant que tu veux performer, tu es encore dans une recherche de supériorité. Quand tu ne veux plus performer, mais que tu veux juste être au maximum de tes capacités, ça n'a plus d'importance d'être supérieur, ça n'a plus d'importance d'être meilleur. C'est des thèmes qui disparaissent de ta tête parce que tout ce que tu veux, c'est être bien, avoir été jusqu'au bout. Mais le bout, c'est jamais le bout de l'autre, c'est jamais le bout de la société, c'est jamais le bout de la reconnaissance. Il arrive un stage que c'est plus de la reconnaissance que tu cherches, c'est juste d'être bien. Il faut comprendre là-dedans la notion d'autosatisfaction absolue de par soi-même et d'une conscience parfaite de qu'est-ce que tu as échangé. Moi, une femme va me dire, je t'aime, Daniel. Je dis, écoute, t'aimes ça parler, t'es pas obligé de me marier pour ça, t'as juste à venir en consultation, puis tu vas avoir le meilleur de moi-même. Tu sais, le reste, après ça, ah, ben là, t'es traîneux, t'es cité ça. Ça, je veux pas l'entendre. Fait que tu me dises, bon, ben, on a des consultations, on est bien, t'as le meilleur de moi-même. Le plus fun dans toute l'affaire, c'est que marié, je pourrais pas rencontrer 40 000 femmes, puis pas marié, je peux en rencontrer 40 000, plus capable, là, on s'entend. Mais je n'ai pas d'obligation envers aucune. Vous me suivez? Fait que si tu arrives à un point dans ta vie où tu n'as pas besoin d'un autre pour être à ton maximum, mais que tu peux être avec d'autres pour partager ce que tu es et ce que tu as, c'est complet. Mais si tu as besoin d'être meilleur que, Ça va transparaître dans ta structure de couple, ça va transparaître dans tes rapports amicaux, ça va transparaître dans ton travail, puis ça va transparaître partout. Là, tu es un maître. Tu peux savoir autant qu'un initié, mais tu vas le partager tout le temps en émettant vers l'autre un sentiment qui est plus petit que toi. Pour arriver à se dégager, il faut savoir que toute responsabilité qu'on prend par notre supériorité nous engage dans un choc en retour. Tu es meilleur qu'eux, l'autre, il peut se rebeller, il peut compétitionner, ou il peut se laisser prendre en charge. Le gars, il veut être plus fort que sa femme, veut un meilleur char, veut ci, veut ça. Il cherche à prendre en charge, donc il cherche à se donner une obligation. Donc, il cherche, à cause de son contrôle, à installer chez l'autre une faiblesse. Ça peut être subliminal, mais il cherche à installer une faiblesse où lui va être le seul à pouvoir combler la faiblesse. Très mauvaise stratégie, mais c'est la stratégie des maîtres. Toute personne qui joue à la maîtrise d'eux se place dans cette situation-là. Et ça lui pète dans le visage un jour. Et c'est là qu'il peut passer à l'affaire de plus vouloir de prendre en charge. Vous me suivez? Moi, je vais arriver à un point avec les chats, je vais dire, wow, là, mon hyperdose, ça s'en vient, Nasty, je te jure. Puis, quand ça va être ça, ça se renouvellera plus. J'aurai plus de motivation, j'aurai plus d'intérêt, ça va mourir, Nasty, autour de moi, ça va être débile. Mais pour arriver à ça, il faut que tu te rendes au bout de ce que tu penses que tu as besoin. Parce que tant que tu penses que tu n'as de besoin, tu vas vouloir accumuler pour le futur. Donc, votre peur de l'avenir est la mesure de la limite de votre maîtrise. Votre maîtrise peut vous placer dans une recherche de prise en charge pour être meilleur qu'eux et peut également vous placer au bout de vos ressources que vous ne serez plus capable de fournir ce que l'autre va vous demander. Il va vous demander, tu sais, exemple, tu es rendu à 82, puis on peut avoir un petit cours de yoga. Puis, là, c'est rendu la lichette d'église. Là. Tu vas à la messe juste parce que tu as peur de mourir. Là, t'sais. Fait que. C'est une situation que j'anticipe, moi, dans mon travail, genre, hey, Daniel, on a 75, là. Comment ça se passe, ces plans? Tu pourrais-tu me dire, quand on va arriver de l'autre bord, qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il un mode d'emploi, là? On tourne à gauche, à droite, y a-t-il la lumière au bout, là? Y a-t-il... Oh, relax, là. Toi, va par en dedans. Depuis le temps que tu me connais, Chris, ça fait 60 ans qu'on est ensemble, là. Tu devrais pouvoir commencer à savoir que ça te parle dans ta tête. Ben, j'aimerais ça être une confirmation de ce qu'ils me disent. Puis, là, tu vois, là, c'est du têtage là, de prise en charge infiniment subtil que j'essaye autant que possible d'éviter. Genre, tu meurs, puis personne n'est au courant. Tu es tombé en bas de l'escalier, puis le téléphone sonne, Claire téléphone, puis là, tu n'as plus de batterie, puis elle dit qu'est-ce qui se passe avec Daniel. Puis un mois plus tard, on me trouve pourri, mangé par les chats, dans le bas de l'escalier. Non, c'est pas un rêve, c'est comme. Il arrive à un stade, il faut savoir mourir tout seul. La bout de l'initiation, c'est être capable de mourir tout seul. Mourir tout seul, c'est que tu n'as pas d'influence, tu n'as pas d'attachement, tu n'as pas d'engagement avec aucune personne. Moi, je trouve que Bernard a bien mouru. T'sais, il n'y a pas eu de. Ben, tu sais, une mort, il n'y a pas personne qui a braillé, il n'y a pas de pompe funèbre. Prenez mes cendres, garochez-les dans le lac, là, on s'entend qu'on ne peut pas en avoir une petite partie pour se faire un scapulaire. Là. Il a vraiment détruit la forme jusqu'à la limite du concevable. Merveilleux. C'est un gars qui était réellement initié. Donc, moi, tout est splashé de sang dans mon char. Il reste encore de quoi ramasser. En tout cas, les policiers n'auraient pas le petit bout. C'est pas la bonne façon. T'sais. Il n'y a pas de bonne façon de mourir, mais il y a une façon de mourir, ça fait broyer le moins de monde possible. Fait que c'est savoir finir les choses, c'est bien important. Puis le maître ne sait pas finir les choses, l'initié sait comment finir les choses. Donc, vous allez être des initiés quand vous n'aurez plus peur de l'avenir, plus peur de mourir, plus peur de quelle autre vie vous allez avoir, puis de ces choses-là. Le maître a ces angoisses-là, lui, de ce qui va traîner, de ce qui va rester après sa mort, de est-ce que je laisse un héritage moral, psychologique, n'importe quoi. Tout le monde a une espèce de peur de mourir dans l'inconnu, l'ignorance, être ignoré de. Tandis que la personne qui est parfaitement intégrée, elle disparaît comme dans lui aussi, le film, là. Elle fait disparaître. Puis le gars dit, où est-ce qu'elle est rendue, ce qu'elle est rendue. Puis là, dans le computer, ça dit, I am everywhere. Je suis partout. It's, I'm God. It's the same thing. Attends. Repeat after me. OK. OK. Ce qui veut dire que quand tu es initié comparativement à toi-même, tu as tes réponses. Oui, oui, oui. Tu as tes réponses parce que tu as été initié dans la forme. Puis dans la forme, tu as intégré. C'est l'intégration qui permet à l'individu d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Un ego, le mieux qu'il peut aller, c'est d'avoir une connaissance technique. Fait que tu as beaucoup d'égos qui peuvent être d'excellents maîtres, bons profs, qui ont des choses à te montrer. Moi, quand je m'en vais tirer à Saint-Xavier, j'ai au moins là-bas au moins 400 mètres de tir. Des gens qui ont atteint un niveau de perfection dans la balistique, le vent, le ci, le ça, qui peuvent dire qu'ils sont dans les top, là, top tireurs, là, des snipers nés. Là, pis, il y en a peut-être une quarantaine de ces gars-là, disons, dans la province. Là. Moi, en tout cas, j'en ai identifié une dizaine. Il y en a peut-être plus. Mais c'est des maîtres. C'est des gens qui maîtrisent bien les poids, la balistique, les boulets. Il y en a un, il s'appelle Alain Ball. Chris, tu l'écoutes parler, ce gars-là, c'est une encyclopédie ambulante. Quand on va au centre de tir, il y en a un qui s'appelle Olivier. Là. Il tire 10 000 balles par année. Chris, tu penses-tu le temps de dormir, toi, là? J'étais tout au dingon tout le temps, tout le temps. Il y a à peu près une quarantaine de carabines chez eux. T'sais. C'est un malade, il n'est pas marié, il n'est pas mariable. De toute façon, je l'ai vu avec une fille, puis il n'a pas l'affaire. Là. Il est peut-être bon avec la carabine, mais ça n'a pas d'allure parler de même à une femme. Il l'a pas. Il l'a pas, vraiment pas. J'ai pas dit parce que je vais avoir encore un bon service. Puis il en sait tellement que Chris, je le regarde, puis la bouche ouverte. C'est hallucinant que tout ce qu'il sait, ce gars-là. Et puis, c'est pas un initié, il n'est pas capable. Il faudrait qu'il s'entende avec une femme au moins une fois, l'équivalent de sa M30 ou de sa chauffe. Il aime les guns, ça n'a pas d'allure, les guns. Non, mais c'est juste qu'il ne les embrasse pas quand tu te montes au comptoir, quand s'il est beau, s'il leur vit, t'inquiète. Il met la lumière, la main du gars, il dit comme ça, il est parfait. Là. C'est fou. Mais c'est un vrai bon maître, Tu sais, vraiment, là, il est généreux de sa personne, il en parle, il est enflammé. Si t'as pas le goût de tirer, il va te le donner. Il donne ça gratis. T'as pas besoin de payer pour. Il te donne le goût, aussi. Moi, des gars de même, j'ai beaucoup d'appréciation, mais, hey, écoute, 10 000 balles par année, 100 ans. Moi, si je tire 1 000 dans l'année, c'est pas mal le max. Il y a Jeannette qui essaye de concours. Elle a tiré quoi, 200 balles par semaine à peu près? Avec, 50, pas plus que ça. C'est là où tu me laisses l'impression que tu arrivais à un niveau. 100 une semaine? Ouais. Bon, c'était plus raisonnable que je pensais. En tout cas, si on regarde le fait que tu arrives à des niveaux de maîtrise puis que c'est accessible à tout le monde, il s'agit juste d'avoir du focus dans ce que tu fais puis de mettre le max. Moi, j'ai pris un cours de photo avec un gars qui tripait sa photo, que Nikon, il fournissait des équipements à caractère expérimental, parce que le gars, tu voyais, là, il en pompait. Là. Bon, quand tu rencontres des gens, c'est avec eux autres que tu apprends. C'est avec eux autres que tu peux arriver à... C'est comme la maîtrise, ça se transfère. L'initiation, ça se transfère pas, parce que c'est quelque chose que tu dois vivre personnellement. Je pense au gars là, qui m'avait pris des photos d'oiseaux, de ci, de ça. Lui, il m'expliquait que, bon, il met de la viande à terre pour que l'oiseau se rapproche. C'est des trucs de pro, ça, là. Tu ne sais pas ça. Il faut que tu sois accompagné ou que quelqu'un comme lui me dise, bien, mets de la viande, le moineau va venir plus vite. C'est un aigle. Tu y mets des souris dans une cage, puis il va atterrir, tu vas pouvoir le prendre en photo. C'est des trucs de pro. Mais un pro, c'est quelqu'un qui a fallu qu'il l'invente, ça, cette façon de faire-là, pour avoir la meilleure photo, les meilleurs ci, les meilleurs ça. Je dis à Alexine, je dis, écoute, j'aime ça un petit peu abstrait. Peut-être pas ces peintures-là, là, ici, dans la salle, mais ceux qui ont en bas, là, il y en a des belles, là, puis il me semble qu'ils devraient essayer de peinturer comme ça, plutôt que tout les mêmes hosties de vaches dans les champs. Mais, tu sais, c'est une suggestion pour ouvrir, mais... Elle peut dire, non, je ne veux pas être initié à vivre ça. T'sais. Initié, ça veut dire être dans l'initiation, de chercher une méthode, puis ça. Je suis sûr que la peinture, ça doit être bien complexe. Pourtant, je regarde celle-là en arrière, j'ai l'impression que c'est facile. Mais c'est pas, je ne me suis jamais mis de pinceau sur une toile, mais je dis, il me semble que c'est facile. Il me semble. T'sais. Tu beurres un peu de blanc, un peu de bleu, puis tu arrives ici, tu mâches ton pain chaud, ça fait du jaune orange. Il me semble que ça ne doit pas être compliqué. Mais il me semble, puis le faire, c'est deux affaires. Puis toute l'affaire d'être un maître ou de maîtriser quelque chose, ça demande l'exploration de la forme, du concret. Et c'est là que c'est souffrant. Après ça, les états que tu vis qui vont t'amener à une initiation, c'est l'accumulation de toutes les frustrations que tu as pu connaître à manquer le bateau et que tu as vaincu en disant « Non, je vais trouver la solution. » L'initié se forge dans l'obstacle, dans les tests, à dépasser l'obstacle et les tests, et pas simplement à apprendre à pratiquer. Tu sais, si moi je ferais de la peinture et que ça serait facile, je dirais « j'ai pas de test là-dedans, je me développerais pas ». Mais si, disons, je m'en vais vers quelque chose qui est plus complexe, moi, en tout cas, faire du Rembrandt, là, c'est plus facile pour moi de penser faire du Picasso que faire du Rembrandt. Mais là, je regarde Picasso, je me dis, ça a l'air facile. Il y en a un, Van Gogh aussi, qui n'était pas payé pantoute pour avoir des bébelles assez flyées. Si je pense que c'est facile, bien, c'est peut-être parce que je veux commencer par là, puis peut-être finir dans la frustration de faire du Rembrandt. Puis peut-être pas, peut-être d'autres choses, j'ai aucune idée. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a la part réflexion qui architecture ton mental à agir. Là, tu es réellement commun. Tu es le suiveux parfait. Mais tu es toujours suiveux quand tu commences. Quand j'ai commencé dans les âmes, je suis présentement suiveux pour éventuellement avoir une plus grande maîtrise. Aujourd'hui, après 4 ans, j'ai plus de maîtrise que quand j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé, j'avais personne pour me guider. Il a fallu que j'apprenne sur le tas, lire des livres, le kit, jusqu'à temps que je rencontre des maîtres qui me disent, ben écoute, fais ça de même, mais ouais, mais c'est pas écrit dans les livres, ouais, mais c'est comme ça, faut que tu le fasses, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, je suis content parce que je retourne le 17 là-bas, puis je vais dire à un gars qui faisait pas les affaires comme faut, moi, il dit, gars, là, tu m'as dit de faire ça de même, hein, mais j'ai trouvé une façon mieux que ça de le faire comme faut. Je vais dire, quoi. Aujourd'hui, dans ton temps, je comprends, t'es vieux, puis mais dans ton temps, tu faisais ça de même, c'était correct, mais aujourd'hui, ils ont inventé quelque chose que tu n'as pas connu, puis tu n'as pas l'air à connaître encore, qu'on appelle telle affaire, puis ça fait ce que tu me dis de faire, ça le fait facilement, plutôt que de le faire en se battant avec la dalle. Là, je vais être content, parce que c'est comme si... Hein. Mon ami Gaulin. Hey, Gérard, achète une die avec des bushings dedans. Puis ça fait la job parfaitement. On n'a pas besoin de recommencer 45 fois le style die pour que ça marche. Et puis ça va me dire que là, j'ai étudié mon affaire. Je ne suis pas un initié dans ce domaine-là, mais je vais être un petit peu de maîtrise. Ça sort de l'adepte. Je suis moins adepte. Vous me suivez? Fait qu'on est tous adeptes de quelque chose. Puis on peut tout, dans le choix des expériences qu'on vit, dans le choix, ça veut dire on est guidé dans l'expérience qu'on vit à faire ce qui est le plus facile pour nous autres et on arrive à des niveaux de maîtrise dans le domaine dans lequel on est. C'est pour ça que je t'ai déjà dit, je te verrais tailler du bonsaï. Bon, c'est juste pour dire que si tu te rendrais là, tu serais maître de quelque chose. Mais là, travailler pour la ville de Montréal, à planter des fleurs sur le bord des trottoirs, tu vas... Non, mais c'est pas comme aller au... C'est pas aller au jardin botanique, là, tu sais, c'est pas... C'est ça. Mais tu devrais te donner le challenge de voir qu'est-ce que... Parce que là, aller tailler du bonsaï, tu es obligé de prendre des cours, tu es obligé d'être avec des gens qui sont très, très, très avancés dans l'arborerie, si on peut dire ça de même, pour comprendre c'est quoi que... Ça pense comment un arbre? C'est ça. Il disait que pour savoir quelque chose... Il fallait le défaire. Tu défais quelque chose, puis tu le refais, puis si tu es capable de l'améliorer en le refaisant, tu vas arriver à la maîtrise plus facilement. C'est bon quand même. Parce que les forces, c'est un petit peu ça qu'ils font quand ils veulent vous emmener. Ils vous font défaire ce qui est votre centre d'intérêt. Moi, j'ai plus appris à défaire mes carabines qu'à tirer de la carabine. En défaisant une carabine, j'ai compris pourquoi qu'une balle elle faisait ci, faisait ça. Puis pourquoi un tireur était meilleur, puis etc., etc. Fait que si tu défais quelque chose, puis tu es capable de le refaire puis l'améliorer, tu vas nécessairement être au moins un maître avec le temps. Tout le monde est capable dans une vie d'être un maître de quelque chose. Mais il faut faire l'effort de supporter l'obstacle, parce qu'il y a des obstacles. T'sais. Première fois, tu défais une carabine, tu as peur de. Il n'y a rien là-dedans. Mais, en tout cas, défaire un trigger, ça m'énerverait pas mal. Parce que je ne suis pas sûr que j'ai envie de remonter. En tout cas, tout ça pour dire que la maîtrise, c'est dans l'obstacle, puis surtout dans ce qui se détruit. Tu apprends à faire de la bourse à perdre de l'argent, pas à faire de l'argent, parce que tu arrêtes d'étudier quand tu fais de l'argent. Mais tu commences à étudier quand tu commences à perdre. Fait que dans la perte, pour corriger la perte, il faut que tu saches comment l'argent travaille pour pouvoir, exemple, dans le stock market, être capable de savoir c'est quoi ton time frame, qu'est-ce que tu es capable de faire puis qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Mais dans le pas capable de faire, il y a une perte, il y a une grosse perte. Tu dis, ouais, ça, je ne suis pas capable de faire ça je ne suis pas à l'aise là-dessus. Là, tu en parles à d'autres qui n'ont jamais fait de bourse. Pour eux autres, tout est monstrueux. Puis quand tu en parles à des gens qui ont tradé un petit peu, qui ont atteint une expertise, bien là, pour eux autres, il y a un centre d'intérêt, il y a de la communication qui s'installe, puis il y a de l'amélioration. Moi, je trade ses monnaies, lui, il trade sur l'SP500, il me parle de ses expériences avec l'SP500, mais ça m'intéresse pour voir que dans sa différence, avec les mêmes indicateurs, on arrive à des résultats différents. Fait qu'on se partage une forme quelconque de maîtrise, je ne sais pas si vous comprenez. Puis là, qu'est-ce qu'on vit qui nous est personnel? Bien, c'est ça, l'initiation. Parce qu'un va trouver ça souffrant de faire ça de telle façon, puis un autre non. Comme ils ne vivent pas la même souffrance, donc ils ne vivent pas la même intégration. Tu sais, la peinture, il y a probablement des gens qui te font une peinture, Chris, au bout d'une heure, c'est fini, puis ça se vend à 1 000 $. Il y en a d'autres qui passent 3 semaines sans la même petite peinture, ils vendent ça 300 $. Okay. Est-ce qu'il est à comprendre? Ben, tu n'as pas un bon vendeur. Question? Ça a-tu rapport avec la confiance en soi, ça, mettons, là, les peintures que tu as données? 3 semaines pour 300 $, puis l'autre, c'est. Y a-tu une force qui t'habite pour pouvoir Une établir le prix? certitude. Une certitude. Ça vaut combien en arrière? J'ai vu des peintures faites par des Chinois. Ils faisaient des Van Gogh, là. Écoute, hostie, quand tu reçois ton Van Gogh à 45 $, roulé dans les tubes, ça coûte plus cher de l'encadrer que de l'acheter. Puis je te dis, là, tu mets le Van Gogh, là, dans. C'est fait par des Chinois qui ont dû. Ils travaillent 3 pièces par jour, eux autres. Écoute, bien, je ne sais pas combien de temps ça a pris à faire ça, mais pour qu'ils fassent de l'argent à 45 $, là, c'est hallucinant. Carrément hallucinant. Puis là, à un moment donné, ils ont arrêté d'en vendre parce qu'il y avait trop de commandes. Il n'y a plus de Chinois qui étaient assez habiles pour pouvoir faire les toiles. Il n'en restait pas assez. Ils ont dû monter les prix. Je n'ai pas continué. Mais je me souviens, mon gars qui en faisait venir en quantité. Puis il revendait ça ici, il payait 45, il vendait 150. Puis ça se vendait. Le monde disait, mon Dieu, un beau, ça ressemble à des vrais. C'était des copies, là, mais c'était des petites bonnes copies. Puis moi, j'en ai acheté, j'en ai vendu un. C'était un perroquet que tu avais eu. C'était-tu un Van Gogh? Je pense que c'est Van Gogh, gros perroquet vert. Tu connais ça, Alexine, non? Je ne dis rien. En tout cas, c'est une reproduction d'un show. Tu as toutes des reproductions, là, oui. La sorte de perroquet, oh, c'est un gros perroquet standard. Un cacatoès. Un cacatoès. Autre question? La certitude, c'est le trophée d'un être humain. Quand tu as la certitude dans la vie, tu as le plus beau des trophées. Parce que tu arrêtes de réfléchir. La réflexion, c'est l'enfer de tout le monde. Puis la certitude, tu ne penses plus. Quand tu conduis ton auto, tu penses-tu tourner à droite? Non. Tu dis, je tourne à droite. Tu as une certitude. Puis quand tu t'exécutes, puis que tu as tourné 45 fois dans la journée à droite parce que tu voulais tourner à droite, un sentiment d'accomplissement. Tu as bien conduit. Puis le stage où je vous dis qu'on devient des initiés, c'est que si on conduit bien, puis qu'on n'y pense plus, c'est là qu'on est initié. Parce qu'on ne pense plus à tourner à droite. On tourne à droite, puis c'est comme l'auto, c'est l'extension de soi-même. Moi, quand je conduis, je pèse sur le gaz, puis j'accélère. Non seulement je connais l'auto, mais je la sens. Quand je la sens, puis je pèse sur le gaz, c'est comme moi qui peut plus courir à cette vitesse-là. J'ai jamais couru à 200 km/h. Mais en tout cas, Alexine, j'ai payé la tête. On avait un Audi qui nous challengeait. On avait du fun, tous les deux. Là. Moi et l'Audi, je parle. Alexine, elle a dit, ah, m'a vomi dans le char. Bon, correct, vomi, ça me dérange pas. Mais c'est comme deux gars qui sentent bien les autos. ou deux gars qui sont deux gars ou deux filles qui sentent bien leur raquette, ou elle qui fait du yoga, puis c'est naturel. Quand tu arrives à un point de certitude, tu ne penses plus. Ça, c'est le trophée ultime. Arrêter de penser, c'est le trophée ultime. Okay. Atteindre ça, là, ce niveau de certitude-là où tu ne penses plus, puis que tout se fait naturellement. Je regardais Léo, il tenait sa carabine, il pleuvait dehors, fait que tout le monde était rentré dans le shack. Puis il tenait sa carabine, tout le bol défait, puis c'est comme si je jouais, tu sais, les gars qui font du drum, là, ils jouaient avec sa baguette. Là, il ne soulignait pas ça autour de ses doigts, là, mais tu voyais que la carabine, c'est une partie de lui-même. Là. Ça faisait, je sais pas, 15 ans qu'il tirait toujours le même gun. Ça, quand tu as ça, cette sensation-là, là, que tu n'es pas. Tu sais, moi, je suis encore avec ma FTR, là, je la prends et je la regarde comme si Dieu m'avait donné quelque chose. L'étape de la loi de Moïse. Là, tu sais, que je suis comme dans un état de fascination. Mais peut-être que dans 3 ans, je dis hey, mais Chris, viens ici là, qu'on travaille, on s'en va tirer. Tu es rendu à ton 3e canon. Là, puis pop, pop, pop. C'est un état que je n'ai pas atteint encore. Fait que je suis même pas atteint le niveau de maîtrise. J'étais un adepte avancé, mais je m'en dis comme mon père, t'en sais juste assez pour savoir être sérieux. C'est ça quand j'étais jeune. Hey, écoute, c'est rough ce que tu dis. Là. J'en sais juste assez pour savoir que je sais rien. Il y avait raison. Question, Mme Marchand? Non? Mme Prudhomme? Tenez qu'on ne vous voit pas souvent, puis que vous avancez en âge, puis que ça ne paraît pas. Créer des jaloux autour de vous. 60 ans, ce petit teint rosé-là. Là. Quand tu l'as connu il y a 20 ans, elle était de même, puis là, 20 ans plus tard, elle est encore de même. Elle n'a pas d'allure. J'ai dit tantôt qu'elle ne voyait pas. Elle ne te croyait pas que. Que ça fait. Tu dis là, exactement. J'ai dit, mon quand tu te fais dire ça 3 fois dans la même journée. Là. C'est bon, hein, c'est ça. Moi, ça me fait faire du montage. En tout cas. C'est vrai que c'est des étapes. Il y a l'adepte, la maîtrise, l'initiation. C'est des étapes, c'est un processus. Ouais, c'est l'intégration qui est le plus difficile. L'intégration. Oui, parce que tu es obligé de repasser dans ton passé, mais en le sentant différemment. Si moi, faire du motocross, j'ai fait de la course de motocross. Dans la moto, c'est la plus belle expérience que j'ai vécue. Quand je suis arrivé sur un bicycle à deux routes, je n'étais pas chez nous. Pour moi, être chez nous, c'était dans le bois. J'étais en place pour faire. Là, je pourrais avoir une traque de motocross sur mon terrain. Là. Mais là, j'ai plus le corps. Fait que c'est comme quand tu perds quelque chose, je pourrais m'acheter une moto de route. Mais une moto de route, pour moi, c'est un compromis. J'ai pas. Je me bats contre des autos. Dans le bois, je me bats contre des arbres, je me bats contre des bosses, je me bats contre des roches. Il n'y a aucune roche qui va m'agresser. J'aurais pas une poursuite d'arbres après moi, tu sais. Mais ça, à route, j'ai des charges, j'ai du trafic, j'ai du déclatchage, j'ai de la police. C'est comme, je suis pas dans mon élément. Je suis pas intéressé à maîtriser la moto de route, mais je suis intéressé à... Peut-être que je m'achèterais un bicycle de trial, je me suis tellement cassé la gueule avec ça, là. Les trias, c'est des bicycles qui vont pas vite, puis qui lèvent du gaz, puis boum, boum, boum, ça monte, puis c'est pour passer des obstacles. Le pire obstacle, ça c'est un cauchemar dans ma vie quand je pense à ça, je vous le raconte, j'ai déjà encore des frissons. Il est plus un arbre, on est à sève, quand même un arbre large de même, puis il faut aller sur le long de l'arbre. Mais tu sais, un arbre qui a de la sève, là, on s'attend que, Chris, tu restes à la ligne, la vraie ligne. Là. Moi, j'ai pris une débâcle, je pensais m'avoir cassé les hanches, c'est-tu. Taper le bicycle, tu moins, tu l'âmes. Ça va-tu, ça va-tu? Oh, si je m'enlève, oui. Puis finalement, je me suis relevé. Puis j'ai porté au bicycle, je l'ai mis sur le trailer, puis je l'ai revendu la semaine d'après. Fini. Je me tuerai pas avec ça, c'est pas vrai. Si j'aime tuer, c'est avec de la vitesse. Yes. C'est efficace, les rapides. Ben, je sais pas. Sauter un tremplin, puis t'es 15 pieds dans les airs, là, ça, j'ai pas de tension. Mais monter un arbre, là, avec la sève, là, je me souviens tout le temps de la sève, là. Pauvre, je vous ai fait écorcher pour rien, tu sais. Comment ça fait mal? En tout cas. Descendait une côte, en bas de la côte, il mettait un arbre, puis il fallait lever la roue assez haut pour passer par-dessus l'arbre, à côté de notre plate du moteur, la côté sur l'arbre, puis repasser après ça. Mais en descendant une côte, là, c'était, écoute, la face d'un singe, ça, tu sais. Ah, j'ai jamais été capable d'atteindre ça. Puis je ne l'ai jamais voulu non plus. J'ai une antipathie pour la chute, moi, c'est hallucinant. C'est ça. Vraiment, un judo, jamais aimé. Hein. J'ai aimé ça le karaté, là, mais non, judo, pas en tout. Tu pognes le prof, là, c'est-tu qu'il travaille à la prison de pas loin de chez nous où j'étais. Moi, c'était à Saint-François. On avait la prison, là, puis on avait le professeur de judo des prisonniers. Là, ce style de molosse. Ben, imagine-toi le gars, il avait l'air d'un tueur, il ressemblait à ses clients. Puis quand il disait, mais non, viens ici, c'est que j'avais peur. Il me soignait, je perdais tout le sens de l'orientation quand j'étais dans les airs. Puis là, tout ce que j'entendais, c'est boum! Ça, c'était mon corps. Ah, c'était pas un paquet d'os. J'étais gros quand même, jeune. Plus musclé, mais quand même, j'avais de l'air léger entre ses mains, ce gars. Il mesurait 6 pieds 4. Écoute, il se battait avec des bandits. Il faisait mal. Tout ce qu'il faisait, ça me faisait mal. Puis il aimait ça me pogner, c'était mon voisin. Il restait à deux maisons de chez nous. Puis Daniel, tu perds ton cours? Ça me coûtait moins cher, mais j'étais son voisin. Après ça, j'ai eu un professeur de ski, un Suisse allemand. Encore là, il était tough. Ces deux-là m'ont écœuré des sports, tu sais. Pas d'allure. Je faisais descendre en ski, sacrément. Je suis pas rendu là. Chasse-neige. Ouais, je sais pas encore comment ça va. Je suis rentré dans le chalet. Tu sais, quand t'arrives au restaurant, en ski, ça va pas correct. T'as pas de break. En tout cas. Il aurait fallu qu'un gars rouvre la porte puis j'aurais ramassé. J'aurais ramassé le cabaret, là, tu sais. Merci. Des questions. On va trop baisser la vibration. Des questions. C'est-tu un passage obligé, ça, l'initié? L'initié, non, je pense pas. Je pense que les gens en ont plein les bottes avec Adep. Et puis, arriver à maîtriser quelque chose dans ta vie, c'est de l'avoir identifié. Des gens, ils n'ont plus de temps. T'sais, ça les a pris 40 ans de recherche, puis après ça, ils n'ont plus d'énergie pour être dans une maîtrise de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. Ouais. Moi, j'étais chanceux parce que quand j'étais jeune, j'avais les études en finance, marketing, le kit, puis je jouais de la guitare. Fait que j'étais confronté à chanter pour parler, tu sais, chanter. Ça y pose un sens du spectacle. Je l'avais. Et puis, la finance, bien, c'était mes études. Puis entre-temps, ben, je faisais de l'astrologie, les lignes de la main, qui allait dans mon côté chanteur. Ça allait ensemble. Excepté que le beauté de l'affaire, c'est que quand tu tires aux cartes, tu ne répétais pas une chanson. Fait que c'était tout nouveau. Tandis que ce qui me gossait dans la musique, c'était de répéter puis apprendre par cœur une musique. T'sais. Faut que tu te souviennes des paroles. Puis il faut que tu chantes pas de feuille en avant. Faut que tu chantes puis que ça te fait plus rien de la chanter à la chanson. Et tu travailles plus à te rappeler de la chanson quand tu chantes, puis à jouer un acting avec l'émotion, tu sais. Puis là, je voyais bien que j'étais naturellement plus mental que chanteur. J'étais pas chanteur de pommes, vraiment. Là. Je pouvais chanter à pommes, mais ça demandait de la pratique. C'était pas naturel. Je regardais mes chums qui étaient chanteurs de pommes naturels, puis... Moi, c'est pas compliqué. Il fallait que je me mette en costume de bain. À l'époque, j'étais taillé au couteau. Fait que comme lifeguard, ça passait mieux que comme chanteur. Lifeguard, c'est pas pire, là, c'est... Donc, c'est ça. On avait une piscine en asphalte, fait qu'on voyait pas le fond. Si quelqu'un se faisait mal, il fallait qu'il sorte de l'eau. Fait que tout était facile. S'il restait dans le fond, ben, il fallait vider la piscine, ben, le voir, parce qu'on ne voyait plus. C'était trop foncé. C'était des lifeguards, ils ne savaient pas nager. Non, j'étais lifeguard. J'étais un excellent plongeur. À l'époque, je faisais deux somersets avant de toucher l'eau. Mais combien de flats que j'ai fait avant d'arriver droite! C'est-tu que ça faisait mal? Après le deuxième, là, quand tu claques à l'eau, là, c'était tout un élan pour te taper à bédaine. Il y a des fois que je sortais de l'eau, je pensais que je m'étais fendu bien net. Je me checkais, moi, j'avais pas de sang. Non, j'étais juste rouge. En tout cas, mais c'est oui, il faut que tu passes par l'adepte. Après ça, il faut que tu atteignes la maîtrise. Puis il faut que tu aies assez de jus à. T'as assez de jus pour faire au max quelque chose qui te donne un sentiment de supériorité. Quand Madeleine... C'est une Madeleine avec les armes, là, elle vise la maîtrise de l'arme. OK. Ouais. Tu regardes, là, tu vois qu'elle met du cœur pour être meilleure qu'eux. Mais est-ce qu'elle va devenir un initié de l'arme? Je parle de l'arme. Non, mais initié, c'est une affaire d'État, là. Moi, un gars comme Léo, là, que je voudrais vous emmener au consultant un jour, je souhaite que vous preniez la partie de l'homme qui n'est pas technique, mais la partie de l'homme qui a intégré les armes. Puis je sais qu'il ne me reste pas grand temps. Là. J'ai fait sa carte du ciel. Il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça au plus tard à l'automne. Peut-être cet hiver, parce qu'il va arrêter de tirer l'hiver. Peut-être. En tout cas. Quand tu intègres, tu dégages. Oui. Mais tu ne parles pas. Mais tu dégages. C'est ton rayonnement. Tu es plus capté dans ton rayonnement. Tandis que quand tu es un maître, il faut que tu parles. Tu es obligé d'avoir une technique. Faut que tu impressionnes. Parce que tu ne dégages pas encore. Quand tu commences à dégager, là. Je comprends. C'est intégré. Oui, c'est intégré. Bien, c'est pour l'individu. Ouais. Ça se partage avec des gens qui le reconnaissent. Mais tu ne seras jamais capable de faire la différence quand tu écoutes un maître de quelqu'un qui intègre. Tu iras au centre de tir, regarde Alain Ball, puis regarde Gérard Gaulin. Gérard Gaulin, pour moi, c'est un initié, l'autre, c'est un maître. Okay. Les deux font des armes, mais il y en a un qui veut dépasser l'autre. Tandis que si tu parles à Gaulin, il va dire bah, qu'il fasse son expérience. T'sais, en voulant dire, moi, que j'ai été jusqu'au bout, j'ai une machine CNC dans la maison, chez nous. Hey, c'est long, ça, là. C'est 17 au mur, là-bas, quasiment. Là. Ah, peut-être pas autant. Là. 17 à la porte, en tout cas, ça, c'est ça. Il y a une machine. Départ, c'est... Pas d'effort, mais il a sa science. Oui, puis on se comprend. Gaulin, il ne comprend pas mon langage, mais on se sent. Quand on s'est vu, c'était chum-chum tout de suite. Alain Ball, je reconnais sa compétence, mais ce ne sera jamais mon ami. Parce qu'il est trop dans la dominance. Il veut trop être meilleur. Il ne veut pas que tu te rapproches de lui. Quand j'ai tiré à côté de lui, j'ai dit... Tu vas m'envoyer des bonnes vibes, je vais être meilleur aujourd'hui. Puis effectivement, j'ai battu mon score quand j'étais assis à côté de lui. J'ai tiré à côté de Denis, qui est encore plus intégré qu'Alain, puis j'ai encore amélioré mon score. Quand tu es à côté d'un winner, surtout quand tu es toi-même un élément qui dégage, mais quand tu rencontres des gens qui dégagent une maturité, puis une intégration, bien, ça se dégage. C'est des vibrations, ça se capte, ça. Là. OK. C'est ça. Bien, tu sais, faut que tu aies une maîtrise. T'sais, pour toi, là, ce que tu vis là, avec le ménage, là, tu le vis comme un adepte. Puis quand tu vas arrêter de chialer, puis que tu vas dire, bon, ben j'ai envie, là, tu vas être au niveau de la maîtrise. Mais c'est pas le salaire qui va te donner à mesure de ton initiation. Être au bout de l'initiation dans le ménage, c'est être câlinette ou un équivalent. C'est ça, être au bout. On est loin de la coupe aux lèvres, hein? Comme elle dans le savon. Elle va atteindre un niveau de maîtrise quand elle va le vendre. Un niveau d'intégration quand ça va marcher tout seul, qu'il y a des employés qui vont s'en occuper. OK. L'intégration, c'est quand tout se fait tout seul. Tout se fait, là, parce que les forces veulent que ça se fasse de même. Il faut que les forces... En quelque part, il faut que les forces soient là. Ils sont toujours là, mais quand on parle de réussite, c'est eux autres qui t'ont amené sur le terrain pour réussir. C'est eux autres qui te trouvent les clients, puis c'est toi qu'il faut qu'ils, les gardent. Tu comprends la game? Ils te les emmènent, mais il faut que tu les gardes. Puis c'est là qu'elle est l'initiation. Elle fait des garder. Je suis dans la dette. Tu sais pourquoi tu es femme de ménage et que les gens te traitent comme une femme de ménage? C'est parce que tu as chiolé contre l'autorité tout le temps que je t'ai connu, là, quand tu étais chez Clarence. Tu te souviens-tu que je te disais, arrête de chioler, tu es là pour une paye. Ouais. Hein? Mais non, tu voulais être meilleur qu'eux. C'est pour ça que tu tapes ça. Là. Tu retournerais chez Clarence aujourd'hui, tu chiolerais-tu contre l'autorité? Non, hein? Tu es en train d'intégrer. Mais c'est pas dit qu'il ne te reprendrait pas, là. Mais tu vas le savoir. Le jour où tu vas savoir que tu veux revenir dans un bureau, puis puis que tu chialeras pas contre le boss, là, c'est parce que tu vas être ton propre boss. Puis tu vas dire, là, là j'en ai-tu plein de cul d'être un boss. C'est toutes des étapes. À chaque étape, puis les forces ne te suivent pas. Question? Ça, avec les coupeurs que j'ai encore besoin de 15 minutes. On est tous initiés dans un domaine précis? Non, pas ça j'ai dit. On peut tout être maître dans un domaine précis. Ah, OK. J'ai jamais dit que vous pouviez être initié. Parce qu'être un initié, c'est pas un domaine précis. Oui, ça peut être un domaine précis. Mais c'est parce qu'un... Excusez, c'est... ma petite griffe de chat, là. Elle guérit lentement. Quand tu m'en fous pas d'autres par-dessus. Un initié, tu prends 40 initiés dans différents domaines, puis ils vont se reconnaître. Mais 40 mètres d'une place, ils cherchent toute la porte pour savoir où est-ce qu'ils peuvent aller se cacher, parce qu'ils ne veulent pas se mesurer. Un initié n'a plus rien à défendre. Un maître a toujours quelque chose à défendre. Toi, tu fais des savons, tu deviens le maître du savon. Tu ne veux pas rencontrer le gars qui est président d'Ivory. Mais si tu es un initié, tu vas être intéressé pour partager une expérience commune sans faire le tapis. Bien important, sans faire le tapis. Un initié ne fait jamais le tapis avec personne. C'est pour ça que le maître fuit d'autres maîtres. Parce qu'il ne veut pas rencontrer quelqu'un qui peut y faire le tapis. Ça demande beaucoup d'élimination de l'ego pour être un initié. Qu'un maître n'est pas nécessairement prêt à faire. Il y a des guerres dans l'astral. Hein, que les entités se battent à travers l'humain. C'est des guerres mentales. Donc, tout se passe dans la vibration. Tout. Que ce soit de l'âme, que ce soit de l'esprit. C'est toute une affaire de compréhension de la vibration. Quand tu n'es pas rendu à ce stage-là, tu es nécessairement un adepte. Parce que quand tu es rendu dans de la maîtrise, c'est de la perception, de la sensation. Moi, je peux t'engager que c'est Gaulin qui a changé le règlement pour que lui puisse tirer avec sa carabine, puis moi, tirer avec mes carabines qui n'étaient pas légales. Je suis sûr. Ça veut dire que lui, il n'a même plus besoin d'être le patron, puis il est le patron. Mais il n'est pas patron parce qu'il tient mieux. Il est patron parce qu'il voit clair, il voit... nous autres, on n'était pas là, ce club-là, il serait fini rednet. Ça, c'est une gang de chums qui s'invitent les fins de semaine pour être ensemble. Là. Souvent, on était là, on était la moitié de tout ce qu'il y avait là-bas. Là. Moi, si j'ai réussi à amener bien du monde là-bas, la dernière compétition, là, ils vont capoter pour l'année prochaine. Ils vont nous téléphoner. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, on est du plancton, les baleines. Okay. Beaucoup de plancton, c'est beaucoup de nourriture. C'est des plus grosses bourses. c'est drôle. Ils sont tous pompés pour 25 piastres. En cause du montage, je calisse. Okay. Hallucinant. Je sais pas dans quel contexte tantôt, mais tu parlais que ça prenait un pivot. C'est utiliser mes mots pour que ma mémoire revienne. Je n'ai jamais parlé de pivot. C'est pas un pivot, c'est un support. Un support. Un support, oui. Ben, si je suis un adepte, il me faut un support. J'ai plus appris avec des gars qui sont meilleurs que moi. Mais comme toi, je t'aide pour le reload. Chris, t'as fait du chemin en 2 semaines, que moi, ça m'a pris 3 ans à me faire dire par un puis par l'autre. T'as vu comment je pose des questions tout le temps. J'étais un petit gars, moi, là. M'envoie chez René. « Hey, René, j'ai telle affaire, tel problème. Ah, tu as besoin de telle affaire. » Je le demande pas, je le sais pas. Il y en a des bébelles sur le marché. Tu as vu, ils en font des pleins catalogues. OK. Un compétiteur de tir, pour la précision, une variation de 0.2, 0.02, 0.2 dixième. Ça a l'importance. Puis pour le nez, une variation d'un grain, il est chasseur, pas grave. J'en ai autant que ça tire là-dedans. Nous autres, on cherche le dé à coude. Nous autres, ils cherchent un pied de large. Si tu tires, puis t'es d'une pièce vitale avec cette largeur-là, pas de trouble. On n'est pas dans le même monde. Puis à un moment donné, j'avais dit, toi, tu reloads pour la chasse, tu reloads pas pour la précision. Il dit, ouais, il dit, t'as absolument raison. Fait que travailler sur une progressive avec un tube qui donne des variations jusqu'à 0.5 grains, pas grave ça. On tire juste pour tirer, nous autres, on tire pas pour la précision. Ah, là, je comprends qu'il y a des gars qui tirent à qui chargent le balle à progresser. Avec nous autres, les deux doigts dans la poudre de ce type-là. On travaille pour enlever un grain, là, puis calisse, il faut le remettre. Hey, on peut gosser une balle, c'est quasiment 5 minutes. Préparer 50 balles de compétition. La game est toute dans la compréhension de ce que tu veux faire. Tu comprends ce que tu veux faire, bien là, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu trouves des gens qui veulent faire les choses que tu fais, puis qui le font mieux que toi pour te l'apprendre. T'sais. Moi, je cours après des maîtres. Là. Quand quelqu'un est pompé, tout le temps devant, voyons, il va, yes, man. C'est Alain Ball avec ses grosses balles cheat-tac, là. Hé, hey, comment tu fais ça? Moi, j'y parle de sa grosse balle pour qu'il m'explique ma petite 308. Je suis capable de lire à travers ce qu'il parle. T'sais. Il va te parler, je mets tant de grains. Comment tu fais que tu as besoin de telle poudre pour telle affaire? Ah, ben c'est parce que telle poudre, ta. Moi, ça rentre. Là, on a acheté de la Vita Viori. Tu as vu que c'était pas le même prix que les autres, hein? Ça vient de Finlande, cette affaire-là. La Pua, ça vient de Finlande. Puis la Pua puis Vita Viori, c'est des compagnies connexes. C'est comme Beretta qui a acheté Sacco. Fait que c'est des. Fait que c'est le top dans le monde, c'est le top poudre, puis le top. Moi, chose. Gaulin, il m'a vendu des balles, puis il a dit mets de la Vita Viori N140 avec un boulet la Pua, tel numéro. Il dit tu vois, c'est la coche. Il m'a donné ce qu'il y a de meilleur. J'ai checké dans tous les livres, puis c'était ce qu'il y a de best. Ouais, tu vois qu'il y a déjà. Il a vu neiger, le gars. Hein? Fait que tous ces petits détails-là, moi, je ramasse ça. Mais je vais chercher ça chez des maîtres. Ben, lui, il maîtrise ça. Ah oui, c'est lui. C'est lui que je vais aller chercher. C'est dur de se bâtir soi-même rapidement. Ben, tu as besoin de conseils, puis quand c'est intelligent, c'est intelligent. Je pense que le plus grave défaut que les gens peuvent avoir, c'est de rivaliser. Parce que quand tu rivalises pas, tout ce que tu peux apprendre, c'est hallucinant.